La liberté. Sensationnel. Incroyable. Inimaginable. Génial. Qualité. Potentiel de revenus énorme. Habilitant. C'est réaliste. Ça fonctionne. Vous allez entendre des témoignages de personnes ordinaires qui sont désormais libres et qui ont atteint un niveau de réussite financière extraordinaire. Lorsque nous nous sommes joints à Watkins, je travaillais à titre d'ingénieur pour une société informatique. Cindy travaillait pour une banque. Watkins a considérablement changé nos vies. Je dirais presque que nous vivons une vie de rêve. Nous avons la possibilité de consacrer du temps à nos enfants. Watkins m'a permis de demeurer à la maison avec ma fille, ce qui est probablement ce qui importe le plus. Sans Watkins, je n'aurais pas pu être présente au cours de ces années. Nous avons toujours été en mesure d'être présents lorsque les enfants avaient besoin de nous, comme aux événements scolaires lorsque cela était nécessaire. C'est difficile à expliquer. C'est une liberté magnifique qu'on ne peut connaître qu'en ayant sa propre entreprise. Avec Watkins, nous avons non seulement pu savourer la vie ensemble en tant que couple, mais nous avons également été en mesure de voir nos trois enfants se joindre à nous au sein de notre entreprise. Nous sommes une famille plus unie grâce à cet arrangement. Un des aspects les plus intéressants de Watkins est la souplesse qui est offerte. On fait des affaires quand on veut. Pour nous, le temps le plus précieux avec les enfants est le matin, alors que la majorité des personnes autour de nous courent dans tous les sens pour les envoyer à l'école ou ailleurs. Les enfants sont les plus créatifs à cette heure et j'ai la chance d'y participer naturellement. Je peux m'asseoir et savourer le moment. Plus tard, quand il est à l'école et que j'ai passé de ces bons moments avec lui, je peux me mettre à mes affaires sans conflit d'horaire. J'ai commencé à travailler à temps plein dans mon entreprise Watkins en 1981. Sue y travaillait déjà à temps partiel. Je me souviens de nos débuts. Certaines personnes gagnaient plus $1 million par année grâce à Watkins. Nous nous sommes dit que ce serait fantastique de gagner $1 million. Mais nous savons maintenant qu'il n'existe aucune limite. Nous avons gagné $5 millions l'an dernier. Nous savons que nous en gagnerons bientôt 20. Il n'y a pas de limite. C'est un sentiment agréable qui nous apporte la sécurité et des possibilités illimitées. Avec Watkins, nous prévoyons réaliser nos rêves. Je conserve un livre de rêves qui contient la maison de mes rêves. Il contient également la voiture que je compte m'offrir bientôt. Nous prévoyons prendre notre retraite en jeune âge, plutôt qu'à 65 ou 70 ans, comme la majorité des gens font, et nous comptons prendre cette retraite avec un chèque de revenus dans les centaines de milliers de dollars. Watkins nous a permis d'acheter notre première maison. Ce fut fantastique parce que nous n'avions jamais cru que ce serait possible et Watkins nous a permis d'y arriver. L'entreprise Watkins représente la liberté financière. Il s'agit d'une excellente occasion pour toutes les personnes qui veulent travailler et leur offre beaucoup de potentiel. C'est une occasion qui vous donne la liberté financière de faire ce que vous voulez. Nous nous sommes joints à Watkins il y a 5 ans et demi. Avant, nous travaillions tous deux comme ingénieurs. Après environ 1 an avec Watkins, j'ai pu démissionner et il y a quelques mois, Ginny a également pu quitter son emploi. Pour nous, cette occasion nous a permis d'éliminer les pressions financières que nous ressentions. Nous sommes en mesure d'acheter les biens que nous voulons. Nous sommes en mesure de prendre soin de notre famille et n'avons plus à nous soucier de l'avenir. Une des libertés que m'a apporté mon entreprise Watkins est de ne plus avoir à travailler pour le compte de personne d'autre. Je suis mon propre patron, je travaille à mes heures, à mon rythme. C'est une liberté incroyable. La liberté de faire ce que nous voulons, d'atteindre nos objectifs sans que personne d'autre ne détermine combien nous gagnerons ou combien d'heures de travail nous devrons consacrer chaque jour. C'est nous qui déterminons ces facteurs et si nous voulons travailler 16 heures par jour, nous le faisons. Quand nous voulons prendre une semaine de congé, nous le faisons aussi. Nous sommes nos propres patrons. C'est une liberté indescriptible. Si vous avez toujours rêvé d'être votre propre patron plutôt que de vous rendre à votre emploi tous les jours, de poinçonner en entrant et de vous faire dire quand prendre des vacances, vous devriez ressentir ce que nous ressentons aujourd'hui. C'est absolument incroyable. En définitive, il ne faut pas regarder ce que l'on risque de perdre, mais plutôt ce que l'on a à gagner. Rien ne s'y compare. Nous sommes véritablement en contrôle de notre temps et de nos vies. Notre entreprise Watkins nous donne tellement de satisfaction en comparaison avec ce que nous faisons avant. Dans le monde des affaires en Amérique, qu'on travaille dur ou non, on obtient une augmentation de salaire en fonction de ce que nos patrons veulent pour nous. Avec Watkins, chacun établit son propre parcours et sa propre destinée. C'est exactement ce que je voulais faire. J'ai quitté mon emploi il y a 7 ans maintenant et je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti lorsque j'ai annoncé à mon patron que je démissionnais. Je travaillais comme directeur de marketing en vente nationale pour une filiale de DuPont. J'avais un très, très bon emploi et un jour, j'annonçais que j'en avais assez, que je quittais. Mon patron croyait que je souffrais de dépression. Il m'a demandé ce que j'avais l'intention de faire. Je lui ai répondu que j'allais vendre de la vanille avec mon épouse. Le reste, c'est de la petite histoire. Je crois pas qu'on puisse vraiment mettre un prix sur le fait de pouvoir prendre un appel d'une amie qui veut aller jouer au golf à 10h30 le matin et lui dire « Oui, je vais être là dans une demi-heure ». Ça rend les affaires drôlement plaisantes. Watkins est vraiment ce qui nous est arrivé de mieux au niveau de notre qualité de vie. C'est toute une occasion. Le fait de vivre un certain style de vie, de se mettre le nez dans tous les aspects de l'entreprise, c'est important. J'ai jamais été impliqué dans quelque chose qui m'appartenait vraiment. On est en mesure de travailler selon nos propres valeurs, notre propre éthique, dans le cadre d'une entreprise, et les associer à des valeurs et des principes d'éthique qui existent depuis 128 ans. Rien ne s'y compare. Je peux pas en parler assez. Avec Watkins, j'ai pu bâtir le genre de vie que je ne pensais jamais pouvoir m'offrir. Je vis de façon très confortable. Je jouis d'indépendance financière simplement en aidant les autres. Et je me sens très utile de faire que je peux aider ma famille. C'est très important pour moi. Une des choses qui m'a le plus impressionné dans l'entreprise, en raison de son fonctionnement, c'est le fait qu'elle continue même lorsque je suis en vacances et que je m'offre une journée de congé. Dans le cadre de mon ancien travail, je passais plus de 200 nuits éloigné de la maison. Un jour, je me suis ouvert les yeux et j'ai réalisé le genre de vie que je pourrais avoir si je me joignais à Karen dans l'entreprise. Je dois insister sur cet aspect, mais je dois dire que nous ressentons beaucoup de satisfaction à voir les membres de notre organisation, de notre entreprise, réaliser leurs rêves. Nous avons vu des gens en mesure de payer les études de leurs enfants, des gens se rendre à la maison pour être avec leurs enfants. Nous avons vu des gens laisser une vie stressante pour faire les choses qu'ils considèrent importantes. Lorsque je vois ces gens évoluer, que je reçois un appel pour m'informer qu'ils ont quitté leur emploi, qu'ils ont pu s'acheter une voiture neuve, nous sommes vraiment satisfaits. C'est très gratifiant. Une des plus grandes satisfactions que je tire de mon entreprise Watkins, c'est de voir les gens évoluer, de voir quatre de nos directeurs se mériter le voyage pour deux à la Barbade. C'est très gratifiant de les voir se fixer l'objectif de travailler à temps plein dans leur entreprise. Lorsqu'ils travaillent à temps plein pour l'entreprise et que vous savez que vous y êtes pour quelque chose, que vous les guidez et les aidez en cours de route, c'est fantastique. Ça procure toute une satisfaction. Mon expérience la plus satisfaisante avec Watkins est de voir comment la vie des gens change. Une des expériences les plus enrichissantes que nous avons vécues concerne une de nos directrices, âgée de 70 ans. Elle est directrice avec nous depuis environ 3 ans maintenant. Son nom est Virginia. Elle nous a dit que sans Watkins, elle ne pourrait pas rester dans sa maison. Elle l'aurait perdue parce qu'elle n'avait pas de revenus. Le travail la garde jeune et a changé sa qualité de vie. En vérité, quand on se fait dire des choses pareilles, on a le cœur qui gonfle de fierté. Avec Watkins, nous avons été en mesure de faire beaucoup de choses que nous n'aurions jamais cru possibles avant. L'une d'entre elles est de voyager dans des endroits exotiques. Nous ne pouvions jamais faire ça avant, et Watkins nous l'a permis. Grâce à Watkins, nous pouvons voyager quand ça nous plaît. Nous travaillons les heures et les périodes de notre choix au cours de l'année, et nous sommes libres lorsque nous le voulons. Je crois que Watkins a vraiment ajouté des éléments positifs dans notre style de vie. Nous sommes constamment entourés des gens positifs, ce qui a changé notre attitude et notre façon de vivre. Watkins simplifie le processus de lancement d'une entreprise à domicile grâce à ses produits fantastiques. Des produits dont nous sommes fiers et qui sont assortis d'une garantie de remboursement à 100 %. Nous en sommes vraiment fiers parce qu'il s'agit d'excellents produits. Lorsque nous étions à la recherche d'une occasion d'affaires et que nous avons étudié Watkins, la première chose qui nous a intéressé était la gamme de produits. Nous l'avons vu comme une ligne que tout le monde, où qu'il soit, pouvait utiliser, que nous n'aurions pas à convaincre les gens qu'ils avaient besoin de ces produits. J'ai commencé avec Watkins pour me procurer les produits pour mon compte, pour ma mère et pour ma tante. Je n'avais pas l'intention de les vendre. À mon avis, je n'étais pas bonne vendeuse. Mais ma mère et ma tante ont insisté, et je suis vraiment heureuse qu'elle m'ait impliquée dans cette entreprise. Sans elle, je travaillerais probablement pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un pense à se joindre à Watkins, nous voulons leur dire que c'est le meilleur temps pour le faire. Plus tôt vous le ferez, plus grands seront les résultats à la fin. Nous n'avons qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Rien ne s'y compare. Mais vous n'êtes pas obligé de me faire confiance. Allez voir vous-même. Watkins facilite et simplifie la croissance de votre entreprise en vous donnant un système par étapes qu'on peut suivre même si on n'a pas d'expérience. On ne connaissait rien au marketing et nous n'avions pas d'expérience dans le domaine des ventes non plus. Mais nous avons appris comment bâtir notre entreprise grâce à la formation que nous avons reçue par d'autres personnes au sein de la société. C'est vraiment très simple. Tout le monde peut le faire. Si quelqu'un me disait être intéressé à lancer sa propre entreprise Watkins, je lui dirais de commencer immédiatement. Aujourd'hui, c'est le commencement de votre vie, comme ce fut le cas pour moi il y a 4 ans. Je vous recommande fortement de le faire, parce que je sais ce que cela nous a apporté. Ça nous a aidé à grandir ensemble, et je sais que le fait de vous joindre à Watkins peut améliorer votre vie. Watkins rend le développement d'une entreprise facile parce que, tout d'abord, ils offrent des programmes et des systèmes. Ils ont les informations nécessaires pour faire tout ce que vous voulez. C'est ce qui m'a impressionné le plus lorsque j'ai commencé. Ils étaient là pour me soutenir. Il suffit de trouver une méthode qui vous convienne, de vous procurer le matériel et de le faire. Il ne s'agit pas d'un piège où l'on promet que vous vous enrichirez rapidement, mais une entreprise dans laquelle, si vous travaillez dur, vous récolterez les profits. Il y a de nombreuses offres sur le marché qui peuvent vous faire travailler très fort et ne jamais vous permettre d'avancer. Ce n'est pas le cas avec Watkins. Ici, si vous êtes prêt à travailler et à suivre le programme, les possibilités de revenus sont illimitées. Vous avez entendu des témoignages de personnes ordinaires qui ont atteint un niveau de revenu extraordinaire ainsi qu'une sécurité à long terme grâce à Watkins. Les témoignages de cette cassette sont ceux de représentants indépendants de Watkins.